Café Facteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro et Gentiane La France à la console. Oui! On entend le soupir de soulagement, les auditeurs nous entendent, on a entendu le thème, tout va bien. On vous demande votre indulgence à la maison, mais Jacques prend une pause de 5 semaines et c'est ça, c'est ma première fois à la console et on a Pascal Asselin qui est ici en tant qu'observateur. Gosselin. Oui, c'est pas millimétrique, pardon. Pascal Gosselin, pardon pour le lapsus, qui est ici en tant qu'observateur pour venir voir si je touche au bon bouton au bon moment. On remercie, oui, d'ailleurs. Merci beaucoup. On en parlait avant de commencer l'émission. Tu dis Jacques a pris une pause de 5 semaines. Jacques est avec nous depuis le début de l'émission, qui a 15 ans ce septembre. Oui. On l'a pas souligné encore. Oui, c'est ça. Donc, c'est le 15e anniversaire de l'aérospatiale cette année. Quand même. Mais avec le confinement, la pandémie et tout, ça nous a un peu échappé. Oui, là. C'est ça. Donc, ce soir à l'émission, d'abord, moi, je vais m'entretenir avec Isabelle Desroches à propos de Spacieux Local, qui est l'exposition des finissants et finissantes 2020 en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. On va prendre, bien sûr, des pauses musicales, comme d'habitude. Gentiane, tu nous as préparé une belle entrevue avec Gabriel Bélanger pour discuter de ses derniers projets, dont les ateliers collectif plongée. Oui, on s'est rencontrés sur le bord de la rivière Saint-Charles, dans Saint-Sauveur, et il y avait des camions qui faisaient bip-bip à côté, c'était extraordinaire. On aime ça, les enregistrements en plein air. On s'en vient habitué. Puis finalement, en fin d'émission, on a notre chroniqueuse Marie-Claude Drolet qui s'est entretenue avec Hélène Chouinard, céramiste, dans le cadre de son projet de bouteille présenté chez Armure. Puis ce soir, c'est le grand retour de notre expert conseiller musical Simon Roy, qui nous suggérait de découvrir la musique de Codeside, qui est un artiste de la Crimée, qui fait de la musique instrumentale trip-hop et hip-hop abstraite. Je les ai écoutés avant de venir en studio. C'est très relax, un peu rythmé, parfait pour une petite bière, un petit cidre, un petit vin. Se sentir un peu plus relax de faire la mise en onde pour la Exactement, première fois. Exactement, t'écouteras ça, Gentiane. Donc, on débute tout de suite l'écoute avec la pièce Home et on retrouve Isabelle Desroches de l'autre côté de la pause pour parler de l'expo des finissants. Alors, de retour à l'aérospatiale, Gentiane a des petits problèmes avec la procédure pour le téléphone. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va rappeler Isabelle pendant qu'on vous parle aux auditeurs. Ça devrait pas être bien, bien long. Mais en fait, je vous explique de quoi on parle. Il y a annuellement l'exposition définissant en art visuel et médiatique à l'Université Laval. Cette année, comme beaucoup d'expositions, ça a été retardé à cause de la COVID. Donc, grâce au travail acharné de plusieurs étudiants dévoués et des employés de l'Université Laval également. Cette exposition-là a eu lieu malgré tout. Donc, ça a été ouvert le 18 septembre, pardon, je fouillais dans mes notes. Donc, ça a été ouvert le 18 septembre dernier. Il y a eu un vernissage respectant les règles de distanciation sociale, bien sûr, et on réussit à retrouver cette exposition qu'on attend à chaque année, en fait. Donc, ça regroupe, comme le nom le dit, les finissants et finissantes en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Cette année, on a encore une fois plusieurs artistes différents. Ça se passe également à Feu la Maison Jaune. Donc, c'est un local qui peut être nostalgique pour plusieurs. C'est pour ça que l'exposition se nomme Spacieux Local, parce que en effet, c'est un très spacieux local pour accueillir toutes ces œuvres. Donc, on a différents artistes. On a Valérie Arsenault, Béatrice Paradis-Lebel, Marianne Lafleur, Audrey Plante, Isabelle Desroches, à qui on devrait parler dans quelques minutes si tout se passe bien. On s'excuse pour les petites difficultés techniques. D'ailleurs, Isabelle Desroches, Gentiane, le sens du timing, Isabelle Desroches, on l'a avec nous au téléphone. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Merci de ta patience. On est très heureuse de pouvoir te parler quelques minutes. Gentiane fait des petites danses en studio. Elle a réussi son pari. Donc, Isabelle, j'ai résumé un petit peu pour les auditeurs le parcours de cette exposition-là qui, normalement, a lieu à la fin des classes, justement. Ouais. Puis là, à cause de la COVID, le printemps mouvementé qu'on a eu, ça a été difficile. Donc, toi, Isabelle, tu es une des organisatrices de l'exposition, si j'ai bien compris? Oui, bien, on est tous des artistes organisateurs, là, à 10 personnes, il faut qu'on se donne pas mal, là. Ouais. Mais oui, moi, je me suis plus occupée du volet de la rue, là, la soirée festive avec les autorisations sanitaires que j'apprenais tout ça, là. D'accord. Donc, la soirée festive, c'était le vernissage du 18 septembre? Exactement. OK. Puis, j'étais en train d'énumérer les artistes qui sont présents. Justement, j'étais rendue à toi. Puis, tout de suite après toi, dans ma liste, j'ai les deux Mathieu Bouchard, parce que c'est pas une faute de frappe, c'est bien marqué. Il y a deux Mathieu Bouchard. Il y a William Légaré, Valérie Turcotte et Jessica Laporte également. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans cette exposition-là? C'est assez éclectique, bien sûr, c'est une exposition collective sans thème, si je ne me trompe pas. Mais peux-tu nous parler un petit peu de tes coups de cœur, par exemple? Oui, bien, c'est sûr que c'est très éclectique, là, parce que la seule chose qui relie nos pratiques, en fait, c'est le fait qu'on est des finissants, mais on n'était pas capable de trouver comme une thématique commune pour nous rejoindre. Ah, bien, c'est quand même intéressant. Ouais. Est-ce que les autres années, il y a une thématique qui est ressortie ou c'est quelque chose d'assez commun? Je pense que c'est difficile de trouver des thématiques qui rejoignent tout le monde. Surtout, la façon que c'est fait à l'Université Laval, c'est beaucoup... c'est nous qui décident vers quelle direction on s'en va. Là. Fait que vraiment de choses qui mettent les gens en commun, mais c'est ça qui fait la beauté du bac aussi en même temps. Exactement. C'est la fin d'un parcours où vous êtes poussé à explorer votre démarche. C'est ça. Ouais. Donc, c'est sûr que ça donne des choses... Vous êtes... Laissez-le sans bon français. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça donne des choses. Mais moi aussi, j'ai une question, Isabelle. Ouais. L'exposition s'étale en deux locaux. Et comment est-ce que vous avez réfléchi à la division de toutes les œuvres dans ces deux locaux-là? Est-ce que, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de thématique ou d'unicité dans l'exposition, mais comment ça a été réfléchi, cette division-là, en deux espaces d'exposition? Ben, on est vraiment allé avec les besoins de chacun. Là, on a fait une réunion, puis tout le monde disait, par exemple, « Ah, moi, j'aimerais savoir un coin. » Tu sais, par exemple, l'œuvre de William qui fonctionne avec, justement, là, la photo qui est appuyée sur le coin pour qu'on aille à l'arrière. Fait qu'on y allait avec qu'est-ce que les gens avaient besoin puis qu'est-ce que les gens avaient vu dans le local qui leur plaisait. Puis finalement, tout le monde, leur préférence fitait. Là, fait qu'on n'a pas eu besoin de prendre le deuxième choix de personne. D'ailleurs, Gentiane me fait des petits signes pour me dire que l'œuvre de William, c'était son coup de cœur, justement. Ouais, moi aussi. Ben, je suis une fanatique de photographie. Ça a été le coup de cœur de certains jurys de centres d'artistes. Et ton œuvre également, Isabelle. Félicitations. Oui, merci. Ben là, on parle de ça aux auditeurs qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Peux-tu nous décrire un peu l'œuvre que tu présentes, Isabelle, avec la petite minute qui nous reste? Oui. Moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait une filature 40 ans plus tard par rapport à des diapositives que j'avais trouvées dans un vieux carrousel. C'est un voyage de pêche à Acapulco, fait par des hommes que je connaissais pas. Fait que je me suis lancée comme dans une recherche Internet pour essayer de trouver l'hôtel où est-ce que ces hommes-là sont allés. Puis, finalement, je me suis ramassée dans des groupes Facebook de voyage d'Acapulco. Puis, là, j'ai infiltré ces groupes-là un peu. J'ai fait des entrevues. Ils m'ont envoyé des vidéos. J'ai fait un montage vidéo à partir des vidéos de voyage qu'eux m'avaient envoyées. Fait que je suis là-dedans, là, le voyage virtuel. C'est plutôt ludique comme démarche, ouais, si oui, je comprends exactement. Bien. Ouais. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Désolée encore une fois d'avoir si peu de temps avec toi. C'est pas grave. Mais merci d'avoir pris le temps. Je peux dire aux gens qu'on est encore là jusqu'à dimanche soir, 20h, tous les jours de midi à 20h, s'ils veulent passer nous voir à la maison jaune. Oui, génial. C'est fabuleux d'avoir des heures d'ouverture jusqu'à 20h. Merci beaucoup oui, à merci. Vous, les étudiants. Donc, c'est ça, comme tu disais, c'est jusqu'au 29 septembre. C'est à l'ancienne maison jaune, donc 206 rue Christophe Colomb. Est. Merci encore, Isabelle. Donc, nous, on se laisse pour une autre pause audio, toujours de l'artiste Codeside. C'est la pièce Stargazer. Et au retour de la pause audio, on écoute l'entrevue que Gentiane a préparée avec Gabrielle Bélanger. précisément, donc femme. Je suis avec Gabrielle Bélanger et à l'aérospatiale, on avait le goût de te rencontrer pour aller aux nouvelles parce que t'es une fille qui a toujours plein de projets et puis comme ta pratique est très liée à une approche qui est communautaire, j'imagine que la pandémie actuelle a eu un impact quand même assez important sur ta pratique. Est-ce que tu peux nous en parler, Gabrielle? Bien, vraiment. Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a certains projets qui se sont reportés dans le temps. En fait, là, moi, j'avais comme 3 résidences, dont 2 avec la communauté et 1 à l'international qui s'enlignaient pour moi cet été, cet automne. Donc, tout est reporté à l'année prochaine. Donc, on se croise les doigts pour que tout aille lieu. Puis oui, c'est ça. J'avais 2 projets avec la communauté, dont un dans une communauté autochtone. Dans le fond, en Attachquan, on avait une résidence à Neutachquan, précisément, donc dans la communauté, pour le développement d'encre végétale avec le projet Otapiaski. Donc ça, c'est remis l'année prochaine. Sinon, ben c'est sûr que ça a été une période un peu d'incubation, là, comme pour bien des artistes, d'écriture, de réflexion. Puis c'est sûr que quand j'écris dans mes projets avec la communauté puis que je plug le mot « proximité » 20 fois, ben là, tu sais, c'est comme ça remet même des choses en question dans mon approche, dans ma manière de faire, dans... Puis moi, je suis pas... tu sais, de tout ramener au virtuel, c'était pas vraiment une option parce que je suis beaucoup dans le lien de personne à personne et tout ça. Puis, ben en fait, ça a comme donné de la place à une pratique plus personnelle que j'ai depuis toujours, mais à travers tous les projets avec la communauté, je pense que je prends pas nécessairement le temps d'approfondir ça. Puis là, ça a donné lieu à ça. Donc, je suis en train de faire de la place. En fait, j'ai réécrit ma démarche artistique aussi pour donner un angle peut-être plus intime à ce que je fais. Moins cérébral? Ben, en fait, c'est comme avec la communauté. Tu sais, j'ai développé une approche, une manière de faire qui fonctionne super bien. Puis, tu sais, porter la voix des autres, c'est quelque chose qui fait full sens pour moi. Puis en même temps, ben, tu sais, je parle de moi aussi à travers ces rencontres-là, puis à travers ces expositions-là. Donc, c'était de peut-être mettre l'accent aussi là-dessus, dans le fond. Donc, c'est ça. Là, présentement, je suis comme en écriture puis en recherche par rapport à ça. Je peux peut-être juste nommer que je me suis permis de faire un genre d'auto-résidence dans les cours d'école de la Côte-Nord cet été. Donc, j'étais allée faire des performances dans les cours d'école. Puis c'est ce matériel-là que j'ai envie de travailler prochainement. Donc, des performances en solo? Oui, en solo que je documentais moi-même avec une caméra fixe en vidéo. Ouais. OK. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas encore où tout ça mène, puis je suis en train de m'entourer peut-être d'autres artistes pour voir où ça m'apporte. Puis parallèlement, je suis aussi en résidence présentement pour un projet qui a été remis aussi, là, mais que je fais présentement. Donc, à la bande vidéo, un projet qui s'appelle Statement, qui est de créer une vidéo sur ma démarche artistique, justement. OK. Donc, je pense que la vidéo va prendre une place aussi dans ce projet plus personnel-là, là. Oui, on sent que la vidéo commence à prendre un peu plus d'ampleur dans ta pratique. Oui, vraiment. Et cette résidence à la bande vidéo, est-ce que ça se passe à la bande vidéo, à la maison? Comment ça se passe, les résidences, en ce moment, à la bande vidéo? Bien, à la bande vidéo, dans le fond, ils ont encore un studio qui est dans Méduse encore, donc la Manif. Donc, on a un studio, je suis avec Ricardo là-bas, puis on a chacun nos espaces de travail, puis on a masque et visière quand il y a... montrer des choses. Donc, c'est ça. Tout est correct, là, mais ça crée d'autres genres de réalités. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'assez personnel aussi, là, fait que j'ai pas besoin d'être tout le temps en contact non plus. Et tu es une artiste de projet collectif. On t'a déjà rencontré à l'aérospatiale pour différents projets de collectifs comme ça. Et puis, t'en as qui sont en cours, qui sont à venir. Il y a notamment le collectif Plongée, qui me semble être plus un atelier de médiation artistique. Ouais. C'est comme à mi-chemin un peu? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est offert par Sherpa, avec qui j'ai collaboré beaucoup précédemment. C'est un cours que j'ai déjà donné par 2 fois. En fait, j'invite les participants à plonger dans leur propre vie à travers des exercices artistiques. Puis moi, j'aime bien faire vivre une expérience avec le corps, dans le fond, puis créer un moment collectif autour de ça. Donc, on va aller plonger ensemble dans une piscine pour comme... Une vraie piscine. Une vraie piscine, là, okay. dans le fond. Puis on documente cette expérience-là, puis on travaille ces images-là ensemble. Mm-hmm. Ça, c'est comme une partie. Mais dans le fond, à travers tout le processus, les gens ont à cibler quelque chose dans leur vie qu'ils ont toujours voulu faire puis qu'ils n'ont jamais osé, puis à faire des démarches pour faire cette chose-là à travers un processus artistique. Mm. Mm. Et donc là, c'est un nombre limité de participants. Oui. Je pense que c'est complet. Je pense que c'est complet, okay. en effet. Bon, on s'informe à Pêche Sherpa si ça nous intéresse à la maison. Et il y a aussi, on en parlait un petit peu avant d'ouvrir les micros et d'entendre les machines, le collectif Interstice. Oui. Donc ça, c'est dans la poursuite du projet Lune que tu as oui. fait auparavant. Là. Oui. Dans le fond, j'ai travaillé avec Projet Lune, qui est un organisme qui travaille auprès des travailleuses du sexe et ex-travailleuses du sexe, par deux fois. Donc, une première fois pour le projet Nuit, qui avait été quand même vraiment significatif dans ma pratique, puis pour les femmes. Puis après ça, j'ai rassemblé d'autres artistes collègues de d'autres disciplines pour offrir aux femmes de Lune un parcours plus multidisciplinaire. Donc, il y avait Marie-Pierre Landry, qui est slameuse, Chloé Zollmann, qui est musicienne, puis Angélique Camiotte, qui est danseuse contemporaine. Donc, on leur a offert des cours pendant plusieurs mois. Puis nous, entre nous, ça nous a vraiment emmené plein de réflexions sur la sexualité, sur le corps, sur ce qu'on incarne dans le corps, dans le fond, dans la société d'aujourd'hui. Évidemment, un point de vue féministe aussi. Et on a créé un collectif, donc, suite à ça. Puis on a eu donc un appui du CAL, qui est de Première Ovation, pour un projet de recherche et création autour de cette question-là de la sexualité des femmes dans la société contemporaine. Donc, on travaille à toutes les semaines, les quatre ensemble, puis on a des approches vraiment similaires parce qu'on a tout un parcours en intervention sociale aussi. Donc, notre façon de créer toujours en dialogue avec ce qui se passe dans la communauté, dans la société et ce qui se passe dans l'intime, tu sais, fonctionne super bien. Mm-hmm. Puis c'est vraiment très intuitif et très spontané aussi comme façon d'imbriquer nos différentes disciplines. Puis là, est-ce que vous intervenez encore seulement qu'avec les femmes de Lune, donc des travailleuses du sexe et d'anciennes travailleuses du sexe, ou vous élargissez un peu les collaboratrices dans ce projet-là? Bien, en fait, là, on n'est plus en lien directement avec les filles de Lune. Okay. On est comme plus en phase de réflexion post-projet. Mm-hmm. Par contre, on a un lien avec le Centre des femmes de Portneuf, où on va aller donner des ateliers peut-être de dessin, de mouvement et d'écriture éventuellement là, au cours de l'automne. Et la finalité de tout ça, est-ce que vous commencez à la voir, à la visualiser? Mm-hmm. Est-ce que ça va être un spectacle multidisciplinaire, ouais. une exposition? Parce qu'avec une artiste de la danse, une slameuse, une musicienne... Et toi, ça va dans tous les sens, la disciplinarité. Oui, vraiment. Mais en fait, ce qu'on imagine, c'est un spectacle laboratoire à la fin du mois de juin prochain. Donc, c'est comme un processus de recherche-création d'un an qui serait présenté et à la Maison pour la danse et à l'École de musique de Deschambault, avec lesquels on a un partenariat aussi. Et je ne sais pas, à ce moment-là, si on inviterait juste des pairs pour avoir comme des commentaires, pour après ça passer en phase de production, ou si ça serait très ouvert comme invitation. On va voir rendu là aussi où on en est. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un show multi. Peut-être qu'il y aura un volet expo à ça, là. On est comme encore dans la recherche, mais c'est sûr que... C'est ça. C'est sûr qu'il y a un aspect visuel fort aussi dans ce projet-là. Ah, mais en tout cas, on a très hâte de voir les résultats qui vont émerger de ce beau projet-là. Gabrielle Bélanger, bien, merci beaucoup merci. De nous avoir rencontrés ici sur le bord de la rivière dans Saint-Sauveur. C'est drôle parce que c'est un lieu où j'étais avec la carriole tout l'été, en fait. Un projet d'angle végétal qui n'est pas celui en lien avec les Autochtones, mais plus... Avec les T-shirts. C'était pas avec les T-shirts, en fait. On a vraiment fait sur papier. C'était des angles végétales qu'on faisait à partir de plantes qu'on trouvait un peu partout. Puis, c'est ça. On a passé un peu l'été ici avec Hélène Pellissier. Donc, ça se déroulait de Saint-Sauveur, Parc Victoria, ouais. dans ces zones-là. Et puis, vous alliez cueillir les végétaux? En fait, on n'a pas le droit de cueillir sur le bord de la rivière. C'est un parc. Donc, Hélène Pellissier, ma collègue, a une ferme et des fleurs à pelleter, donc elle faisait la cueillette chez elle, puis on ramenait ça ici. Mais on faisait des liens avec nécessairement les végétaux qu'il y a déjà présents sur le bord de la rivière. Et vous alliez à la rencontre des citoyens qui déambulent sur le bord de la rivière. Oui, c'est ça. Le projet s'appelait Rencontre fortuite. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment de créer des moments de rencontre un peu très furtifs pour parler de ce qu'on fait et tout ça. Puis c'est sûr qu'avec le COVID, ben, notre façon de faire avec la carriole, c'est changé un peu, là, mais... Et puis, c'est quoi les prochaines sorties de la carriole? Ben là, on est en stand-by à cause du code orange. Fait que, on ne sait pas trop. OK. C'est ça. Bon, on se tient au courant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. C'est KRL 89.1. Retrouvez Mélodie Spear en diffusion sur CKRL. Alerte orange. La propagation de la COVID-19 augmente fortement dans votre région ou une région à proximité. Limitez les contacts, la taille des rassemblements en famille ou entre amis et les déplacements vers d'autres régions. Des mesures spécifiques ont été mises en place pour rétablir la situation. Rendez-vous sur québec.ca/coronavirus pour découvrir tous les détails. N'oubliez pas de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Découvrez les couleurs d'automne à la randonnée aux 1000 couleurs. Le 3 octobre, participez à l'une des 4 randonnées de 6 à 32 km dans le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Une évasion dans de superbes sentiers aux couleurs d'automne. Et en après-midi, on poursuit avec un magnifique pique-nique automnal. La randonnée aux 1000 couleurs, présentée par la Société de la rivière Saint-Charles. Les places sont limitées. Inscrivez-vous maintenant sur societerivieresaintcharles.qc.ca. Optez pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale. C'est ce que vous proposent la brasserie artisanale La Corrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Corrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Corrigane, 380 rue Dorchester. Choisir ericlamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants: marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Rebienvenue à l'aérospatiale, chers auditeurs et auditrices. On vous remercie encore pour votre indulgence. On apprivoise la console. Gentiane va être une pro à la fin de cette émission. C'est mon petit renard à moi. Oui, c'est ça. Gentiane, d'ailleurs, on t'entendait juste avant la pause avec Gabrielle Bélanger en entrevue à propos de tous ses projets, de ses ateliers qu'elle donne à Sherpa. Puis, on se laisse tout de suite, on laisse la parole à Marie-Claude Drolet, qui, en passant en entrevue, l'artiste Hélène Chouinard, à propos de son projet sur Art, chez Armure, pardon. Donc, Marie-Claude a eu la gentillesse de nous pré-enregistrer cette entrevue. Nous sommes présentement à l'atelier d'Hélène Chouinard, qui est céramiste. Donc, j'ai Hélène en entrevue pour parler du projet Les couleurs de la terre, qui est une exposition présentée chez Armure à Montréal, dans le cadre d'un duo qui a pour nom Hélène et son mari. Donc, Hélène, Bonjour Marie-Claude. Hélène Schooner, tu es céramiste? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Tu travailles et vis à Québec. Nous sommes présentement dans ton atelier dans le quartier Saint-Sauveur, un atelier tout équipé pour réaliser ta recherche et ta production en céramique. Donc, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, je suis allée étudier en céramique un peu sur le tard. En fait, je suis rentrée à l'école, j'avais déjà 39 ans. Donc, j'ai terminé en 2011. Donc, ça fait 10 ans que j'ai terminé l'école. J'ai travaillé de façon à temps plein pendant 4 ou 5 ans dans un atelier pour vendre des produits céramiques qui étaient beaucoup plus des produits utilitaires, des produits de la table. Puis, j'ai eu une opportunité pour rentrer travailler à la Maison des métiers d'art comme technicienne responsable du département céramique. Donc, ça m'a intéressé de relever ce défi-là. Mais ça a fait que à ce moment-là, j'ai arrêté de travailler à temps plein dans mes sur ma production et tout. Et ce projet-là de bouteille et de recherche de coloration est venu dans une urgence de créer, en fait. Étant donné que je n'avais plus d'atelier en soi à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler à la Maison des métiers d'art, j'ai choisi dans l'urgence de créer, ça faisait déjà un petit bout que je faisais plus rien. Puis j'avais la possibilité de travailler sur les lieux à la Maison des métiers d'art, mais je pouvais pas m'étendre énormément non plus. Donc j'ai choisi d'aller vers la technique de moulage qui prend beaucoup moins de place et qui est plus facile à produire là, dans un espace réduit. Donc c'est là que ça a commencé. Des bouteilles, ça faisait déjà quelques années que je les collectionnais parce que c'était un projet que j'avais vraiment en arrière de la tête. Donc j'ai juste sauté sur l'occasion. Je me suis dit bon, ben c'est le temps d'essayer ça. J'avais aucune idée où ce que je m'en allais avec ça au départ. Donc j'ai juste coulé des bouteilles. Puis on a vu, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Puis là j'ai dit bon, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Puis là, en parallèle, moi j'ai toujours travaillé avec les terres colorées. Donc j'avais déjà dans l'idée de colorer mon argile liquide que j'utilise pour la technique de coulage. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire une recherche de coloration pour voir. J'avais déjà des idées que je voulais, des couleurs de paysage, de nature qu'on voit soit en été ou en hiver. Donc, j'avais déjà l'idée du vert, puis des violets, puis des petits rouilles. Puis là, je me suis dit, ben, je vais faire une recherche de coloration pour aller chercher ces teintes-là. Finalement, dès la première cuisson que j'avais fait un début de recherche, j'ai vu que toutes les couleurs fonctionnaient ensemble, puis qu'il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire à aller chercher de toutes ces dégradés de couleurs. Oui, il se dégage quelque chose de fort. De fort, ce dégradé, ouais. Là. Donc, j'ai décidé de poursuivre cette recherche, mais directement dans la fabrication des bouteilles. Puis, on parle de bouteilles en porcelaine colorée, donc. Oui. On parle d'un très grand nombre de bouteilles dans le cadre de l'exposition Les couleurs de la terre. Donc, c'est un projet qui est présenté depuis le 5 septembre dernier. C'est un projet duo. On a sur place des sculptures. On a également de la peinture et ces pièces céramiques-là. Donc, le duo a comme nom Hélène et son mari. Le mari étant Jean-Robert Drouillard, sculpteur et compositeur-interprète. Toute cette recherche-là, tu le travailles depuis un an et demi à peu près? Oui, même bientôt 2 ans, oui. Tu t'es rendu compte que c'est dans le nombre dans le nombre d'éléments en installation pour une exposition, par exemple, que ça devenait pertinent la technique du moulage? Oui, ben en fait, de fil en aiguille, moi et Jean-Robert, on a décidé qu'avec ce projet-là, on allait faire un duo et de présenter ces bouteilles d'eau avec d'autres éléments que Jean-Robert allait fabriquer. Puis j'avais déjà fait des éléments pour Jean-Robert dans des projets qui lui étaient personnels, que j'avais fait en porcelaine, et je savais d'avance que il fallait vraiment un grand nombre pour avoir un impact vraiment visuel intéressant. Donc je m'étais tout de suite au début, je m'étais donné l'objectif d'en faire 1000. J'ai pas réussi jusqu'à pour le mois de septembre dernier, mais pour cette expo-ci, j'en ai 500 environ, 550. Mais voilà, ça, c'est pas terminé. Il y en aura d'autres. L'impact visuel est quand même là. Oui. On a vu passer sur les réseaux sociaux un grand nombre de documentations visuelles de l'exposition. Et puis, on voit en particulier une très, très grande étagère avec 6 étages de tablettes. Il y a un très grand nombre de bouteilles qui est installé dans cette étagère-là. Oui, il y en a, c'est ça, 520 exactement. 520, donc il y a vraiment un très, très grand dégradé là, qui passe du bleu vers le vert, on va vers le jaune, le orangé, le rose, on finit par un lilas. Il y a aussi de présenter sur des socles des plus grosses bouteilles, je crois, ou des éléments qui ont été fabriqués probablement en parallèle. Donc, c'est d'autres bouteilles sur lesquelles il y a des phrases poétiques. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ce rapport-là à la poésie? C'est un rapport qui est très nouveau pour moi. J'ai toujours dit que je savais pas écrire, puis que voilà. Puis finalement, dans le sens où c'est pas fluide pour toi. C'est pas fluide pour moi, puis tout. C'est moins naturel. Ouais, c'est moins naturel. Puis ben c'est arrivé pendant le confinement. Je suis tombée dans une semaine ou deux où ce que je suis tombée dans une bulle poétique, si on peut dire. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée revisiter mes cahiers d'école. Parce que quand j'étais à l'école, surtout en troisième année, j'ai toujours beaucoup aimé les titres, soit d'expos ou d'œuvres. Fait que j'avais vraiment plein de notes à ce moment-là dans mon cahier que j'ai tout simplement retravaillé puis que j'ai décidé d'inscrire sur les bouteilles. À ce moment-là, je le faisais vraiment juste pour moi. J'avais pas l'intention nécessairement de les exposer dans cette expo-ci. Ou n'importe quel expo, mais finalement, à force de les voir, puis là, je me suis dit, ben, je vais au moins les cuire, parce que là, ils n'étaient pas cuits. S'approprier aussi l'objet. Ouais. J'avoue que c'est... Jean-Robert a intégré de la peinture dans cette expo. C'est aussi de l'expérimentation pour lui. Donc, je me suis dit, lui, s'il se permet de présenter de la peinture comme quelque chose d'expérimental, je dis, ben pourquoi moi je pourrais pas présenter ça aussi? Donc voilà, c'est ça qui m'a donné le grand pas de les exposer, de les montrer aux gens. J'ai même quelques phrases en fait qui sont écrites sur les bouteilles, donc je vais en lire quelques-unes. Il y a une bouteille où c'est écrit « À 2 mètres de différence, je réapprends les contours ». Sur une autre bouteille, il est écrit « Je suis là où j'existe ». Et une dernière, « C'était le temps des libellules, c'était le temps des petits calepins, c'était le temps intérieur ». Donc, on parle d'écrit qui vient de tes cahiers d'études. On parle bien de ta troisième année à la Maison des métiers d'art de Québec. Oui, on parle bien de la troisième année. C'est sûr que, comme la première phrase que tu as nommée, elle est vraiment directement reliée à ce qu'on a vécu en mars dernier. À 2 mètres de différence, c'est vraiment un lapsus que M. Trudeau a fait à la radio, que voilà, que j'ai vraiment trouvé ça intéressant, fait que je l'ai travaillé, voilà, ça parle aussi, ouais, ça parle de la différence, ça parle d'un autre regard étant donné notre situation puis notre état intérieur aussi. Ouais. Donc c'est une phrase qui est plus récente. Ouais. Ce projet-là, il se poursuit? Il se poursuit, oui. J'ai recommencé aujourd'hui, en fait, à couler des bouteilles. Donc, je poursuis ma recherche de coloration. Donc, parce que on a aussi une autre expo, moi, Hélène et son mari à Trois-Rivières. Bon, toujours avec ce duo. Toujours avec le même duo. Mm-hmm. Donc je veux poursuivre pour agrandir en plus, avoir plus de bouteilles, mais aussi surtout pour aller chercher plus d'orangers et de rose lilas, comme tu disais tantôt, qui est vers la fin du dégradé pour je trouve qu'il y en a moins comparativement au bleu, au vert et au jaune. Donc voilà, c'est une volonté de vouloir poursuivre là, dans ces coloris. Merci Hélène Chouinard pour cette entrevue sur ce projet d'exposition Les couleurs de la terre, qui est présentée chez Armure en ce moment, en fait depuis le 5 septembre dernier. Si vous avez la chance de passer dans cette ville, ça va être présenté jusqu'au 24 octobre. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi, Marie-Claude. Donc, on écoutait Marie-Claude Drolet et Hélène Chouinard à l'atelier d'Hélène Chouinard. Wow, ouais, quelle chance. Quelle belle entrevue, Marie-Claude Drolet. On la salue et on la remercie. On saute tout de suite à l'agenda de la semaine. C'est déjà ce moment-là de l'émission. Gentillane, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ben, il y a Anthropocène qui commence. Anthropocène, la contemplation de la menace, pardon. Il y a un sous-titre au titre de l'exposition. Donc, c'est à la maison Amel Bruno. Et c'est du 23 septembre au 13 décembre et c'est commissarié par notre cher Martin Bureau. Mmh. Donc l'Anthropocène qui fait partie de ses préoccupations vraiment centrales dans sa pratique et il s'est fait commissaire pour inviter une belle sélection d'artistes. Donc, on a Evelyne Bouleva, Martin Bureau lui-même, le grand photographe canadien Édouard Burtinsky, Guillaume Dessire, Dominique Gaucher et Nadie Larchet, une artiste de Québec également. Donc, belle brochette. Oui, exactement. Vraiment, ça, c'est toujours très, très spécial d'aller voir une exposition à la maison Amel Bruno avec cet espace domestique qui nous enveloppe, qui se prête à la contemplation, oui, qui se prête un peu à l'introspection. Ouais. Donc j'ai très hâte de voir Anthropocène. Donc c'est Anthropocène, c'est vraiment un terme qui se définit par l'impact des activités humaines sur les événements écosystémiques de la planète. Donc on se projette dans un futur proche. Mm-hmm. On imagine des catastrophes, une ère peut-être post-apocalyptique. Donc on s'inquiète de ce qui peut se passer sur la planète avec cette exposition-là. Et ce que le commissaire cherche également à démontrer dans cette exposition-là, ça va être cette tension entre le beau et l'effroi. Donc, on n'est pas très loin du sublime, mais un sublime plus futuriste. On n'est pas loin de l'actualité de voir cette pandémie mondiale-là les ciels rouges en Californie. Les ciels rouges, mais aussi notre capacité d'adaptation à travers tout ça. Donc, ça a commencé aujourd'hui, cette exposition-là, le 23 septembre, et c'est jusqu'au 13 décembre 2020. Et vendredi, c'est le finissage de Francis Arguin au lieu. Oui, au centre Le Lieu. Finissage qui débute à 17h, se termine aux alentours de 21h, comme on appelle un 5 à tard. C'est ce vendredi 25 septembre. Donc, c'est l'exposition « Remplir les conditions ». Et l'exposition va se poursuivre là, également la semaine prochaine. Donc, on peut profiter également de ce... Francis Arguin termine sa maîtrise avec ce projet-là et il a vraiment pris en compte les différentes portes à l'intérieur de la galerie du lieu pour transformer l'espace du lieu. Donc, il remplit les conditions du lieu. Exactement. Et du côté de Lévis, au centre d'exposition, Louise Carrier, l'artiste Tania Morin, qu'on a reçue déjà plusieurs fois à l'émission, va être présente dimanche le 27 septembre de 13 à 17h pour rencontrer le public. On nous demande de réserver pour évidemment respecter les conditions de la santé publique. C'est dans le cadre des Journées de la culture, mais aussi dans le cadre de son exposition Flâner qui est présentée au Centre Louise Carrier, justement. Et c'est la dernière semaine pour aller voir Promenade des Arts de CKRL. Oui, le projet, le petit bébé de Jessica Lev, notre directrice. Donc, on réserve également. C'est gratuit. C'est 26 et 27 septembre pour aller se faire guider, déambuler dans le quartier et découvrir différentes formes d'art sous forme de performance. Un parcours culturel. Exact. Et c'est le dernier samedi également pour le mois des galeries. Un autre parcours culturel aussi. Donc, c'est un spin en bon français sur la nuit des galeries qui a lieu annuellement, habituellement, mais là, pour COVID oblige, comme la plupart des activités qu'on présente dans l'agenda de la semaine, donc ça s'est étalé sur tous les samedis du mois de septembre dans les galeries participantes, et là, c'est le dernier samedi que vous avez pour visiter les galeries du Vieux-Port de Québec, donc vous pouvez aller voir le site web du mois des galeries pour voir qui sont les galeries participantes. Et si vous désirez sortir de la ville en fin de semaine, choisissez Deschambault, parce que c'est la dernière fin de semaine pour aller voir l'exposition « Volonté de faire ». Donc, c'est une exposition sous le thème du fer, commissarié par Carole Bayargeon, et qui regroupe les œuvres de Sonia Beauchesne, Catherine Breton et Jacques Sanson, qui font un duo couple, Brigitte Clavette de Fredericton au Nouveau-Brunswick, Marc-Antoine Côté, Laurent Crast, Élise de La Fontaine, Joanne Gauthier, Cynthia Girard et Julien Lebergie, qui font un duo, Chantal Gilbert, Stéphane Langlois, Karine Locatelli, Marie-Hélène Martin, Philippe Palafré, Sylvie Sainte-Marie, Julie Savard et Annie Toul. Donc, plein de personnes qu'on a déjà reçues à l'émission. Oui. Vous avez dû m'entendre faire des petits bruits parce que j'ai des coups de cœur à travers ça. Laurent Crast, Karine Locatelli, ce sont tous des artistes. Ben, toute la brochette d'artistes, ce sont des très bons artistes. Tout le monde a ses coups de cœur à travers ça. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.wordpress.com, et c'est le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Merci à Isabelle Desroches, Gabrielle Bélanger, Marie-Claude Drolet et Hélène Chouinard. Et un beau bonjour à Jacques Gignac, qui nous manque cruellement. Oui, on se passe encore de lui pour un autre 4 semaines. On va finir par maîtriser la console et être un peu plus fluide dans les prochaines émissions. On est très content de rester avec vous et que vous restiez avec nous pour écouter notre émission. Donc, merci à vous, cher public. Puis, on se laisse sur 2 pistes de Codeside. Donc, la première qu'on entendra sera The Last Days, et la dernière, Gentiane, Fly Away. Bonne soirée. Thank you.